Radiomatic. Thank you. c'est sur la musique de la formation Spaceman 3 et la pièce Losing Touch with My Mind, tirée du premier album Sound of Confusion, sorti en 1986, que s'amorçait la transmission 396 d'Audiomatic. C'est la musique de l'artiste américain Daniel Rawson qui assure maintenant la continuité à Audiomatic. Thank you.

Audiomatique, nous entendions la formation irlandaise Fontaine DC de son troisième album Skinty Fia, sorti le 22 avril 2022. Nous vous avons présenté la pièce qui ouvre l'album, soit In Argoit Go Dio, ce qui signifie dans nos cœurs pour toujours. Précédemment à Fontaine DC et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était l'artiste américain Daniel Rossen qui fait également partie du groupe Grizzly Bear. De son premier album solo You Belong There, lancé le 8 avril 2022, il nous interprétait la chanson Unpeopled Space. Allons-y maintenant avec une composition du pianiste Herbie Hancock. Thank you. Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre la formation de Beatles et la pièce Love You Too, sur laquelle on peut apprécier les mélodies du joueur de tabla Anil Bhagwat. La pièce se retrouve sur l'album Revolver des Beatles. Avant cela, le populaire compositeur vénézuélien José Enrique Sarabia, connu sous le nom d'artiste Chilique Sarabia, nous offrait à découvrir ses premières expérimentations incorporant des éléments électroniques à travers un pot pourri reprenant des mélodies de trois pièces traditionnelles tirées du répertoire de son pays, à savoir Mare Mare, Por Comer Zao Para et El Pajaro Guaradol. Cette composition apparaît sur l'album de Chilique Sarabia intitulé Revolución Electrónica en Música Venezolana, paru en 1971. Et en début de séquence, nous écoutions la pièce Mimosa, composée par le pianiste Herbie Hancock pour son album Inventions and Dimensions, paru en 1964. C'est maintenant au tour du groupe Mahavishnu Orchestra de se faire entendre à Audiomatique. We'll be right back. nous avons offert à Audiomatic la musique du collectif anglais The Heliocentrics de son album Infinity of Now, paru en 2020. Nous avons entendu la chanson Venom. Avant, c'était le groupe Mahavishnu Orchestra, mené par le guitariste John McLaughlin, et la pièce Meeting of the Spirits, qui se retrouve sur son premier album, The Inner Mounting Flame, paru en 1971. Cette transmission d'Audiomatique se terminera sur la musique du projet Another View, qui fut mené en solo par Adrian Smith entre 1979 et 1981, avant que celui-ci fonde le groupe Click Click en 1982 avec son frère Derek Smith. Donc, du projet Another View, nous allons écouter la pièce Fluid Birds, tirée de l'album Killing Time, sorti en 1981. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Another View et la pièce Flew with Birds. C'était Audiomatic avec les sonoristes.